Lettre 70e, Théophanie à Junia Marcella, près de Nicomédie, 24 février 303. Tremblante, inquiète, agitée, pouvant à peine tenir ma plume, je veux cependant te demander l'événement le plus inattendu et le plus important de tous ceux qui pouvaient encore traverser ma vie. Une simple cloison me sépare d'Agathoclès. J'entends sa respiration et chaque plainte que lui arrache ses cruelles blessures. Je me lève à tous les instants, croyant qu'il m'appelle et qu'il a besoin de quelque chose. Je vais auprès de son lit avec un mélange indéfinissable de joie, de douleur, de crainte surtout, qu'il me reconnaisse. Malgré mon déguisement et le voile noir qui cache mon visage, suivant le costume que les veuves diaconesses ont adopté, et que cette émotion ne soit mortelle. Tu ne comprends rien, je suis sûr, à ce que je viens de te dire. Je vais, s'il m'est possible, rassembler mes idées et te raconter ce qui s'est passé hier. S'il manque quelque chose à mon récit, ton intelligente amitié voudra bien y suppléer. Tu auras aussi, ma Junia, partagé avec moi et nos frères, et dans le même jour, le coup horrible qui nous a tous frappés, et qui devait détruire dans tout l'Empire la religion chrétienne. Je ne te dirai donc rien, sur le malheur général et sur nos sentiments, c'est par là surtout que nous avons souffert. Car nous autres, pauvres femmes isolées, et qui ne tenons à rien, notre obscurité nous a garantis, et nous sommes restés tranquilles dans nos cellules, occupés à prier Dieu pour les malheureuses victimes de notre sainte religion, et à soigner les blessés qu'on nous amenait à chaque instant, persuadés que l'orage allait aussi fondre sur nous et nous obliger à quitter notre retraite. Fatigué par les devoirs vraiment pénibles que j'avais remplis pendant toute cette journée de deuil et de larmes, j'étais assise dans ma cellule, dont la fenêtre donne sur l'entrée de notre enceinte. Des coups redoublés contre la porte m'effrayèrent. Elle s'ouvrit, et à la lueur de quelques flambeaux, je distinguais plusieurs guerriers armés qui entraient. Je crus que c'était fait de nous, mais le silence et le calme de cette troupe excita ma surprise. J'ouvris ma fenêtre, et en regardant avec plus d'attention, je vis qu'ils déposaient à terre une espèce de brancard formé de lances, sur lequel était un blessé. Ma première crainte disparut, mais une anxiété intérieure que je n'aurais pu définir lui succéda. Dans le même moment, Tabitha, ma compagne ordinaire auprès des blessés, vint me chercher. Je tâchais de reprendre le calme nécessaire. Je la suivis d'un pas précipité, mais avec un battement de cœur qui semblait m'annoncer un affreux malheur. Il ne me trompait pas. Lorsque j'arrivai à la grande porte de la cour, et que les soldats en pleurs qui entouraient le blessé se furent mis à l'écart pour nous laisser approcher, et qu'à la lumière des flambeaux je reconnus « Oh Dieu, ma Junia !» Agathoclès, pâle, inanimé, les yeux fermés, était devant moi. Je tombai sur lui en poussant un cri. Je cherchai ensuite à le rappeler à la vie. Inutilement, il paraissait mort. Et je ne puis encore comprendre que je n'ai pas perdu le sentiment dans ce moment le plus affreux de mon existence. Je me relevai avec égarement. Je questionnai ceux qui l'avaient apporté. Oh Junia, quel rayon de félicité céleste vint se faire jour au milieu des tourments que j'éprouvais. Agathoclès est chrétien. Son zèle pour notre religion, son amour héroïque pour ses frères persécutés, l'ont réduit à cet état. Je tremblais à la fois de joie et d'effroi, mais Dieu, dans sa bonté, me laissa assez de présence d'esprit pour m'occuper des secours que cet état exigeait. Je suivis les soldats dans une chambre destinée à cet usage et qui touche à la mienne. Oh, quel bien pour mon cœur ulcéré de voir comme ces guerriers le respectaient et l'aimaient. « C'est notre chef bien-aimé, » disaient-ils tous en pleurant. Dès qu'il fut placé sur un lit, je lavais ses blessures d'une main tremblante, et je les pansais aussi bien qu'il me fut possible et que le temps me le permit. Un rayon d'espoir vint éclairer mon âme. D'après mes faibles connaissances, je me flattais que ses blessures n'étaient pas mortelles et que la perte du sang causait seule son insensibilité. Elle était complète. Il était couché sans donner un signe de vie, ses yeux fermés comme dormant du sommeil éternel, et cependant, oh ma Junia, je le trouvais, malgré sa pâleur, le plus beau des hommes. Quelle noblesse répandue sur ce visage décoloré qui me paraissait entouré d'une auréole de gloire. Nous attendions avec impatience le retour d'Héliodore, qui avait été appelé chez un malade, car ce saint homme remplit à la fois dans notre communauté les offices d'instituteur, de prêtre et de médecin. Tout à coup, la porte s'ouvre et il entre un beau jeune homme dont la tenue annonçait un rang distingué. Il court à l'instant auprès d'Agathoclès. La vivacité avec laquelle il s'informa de tout, l'amitié si tendre qu'il témoignait, la tristesse répandue sur tous ses traits, l'expression avec laquelle il souleva la main inanimée du blessé en la serrant contre son corps, lui gagnèrent le mien à l'instant. Héliodore arriva aussi, il examina les plaies avec soin. Mon âme était à la torture, je tremblais comme la feuille agitée par un vent orageux, au point que je fus forcé de m'appuyer contre une chaise. Enfin, Héliodore prononce que les blessures très profondes ne sont pas mortelles. J'avais supporté la violence du chagrin, je succombais à celle de la joie, et je tombai à terre sans connaissance. On me porta dans la chambre voisine. Revenu à moi-même et ayant acquis la preuve par mes questions que ce que je venais de voir n'était point un songe, j'adressai à genoux des prières ferventes à l'être suprême. Agathoclès avait ouvert les yeux et prononcé quelques paroles, mais il était ensuite retombé dans une espèce de léthargie qu'Héliodore assure n'être causée que par la grande perte de son sang, et qui cessera du moment que ses forces reviendront. Cette assurance me rendit bientôt les miennes. J'en ai voulu profiter pour t'écrire. Oh, mon ami, mon âme s'ouvre de nouveau à l'espoir. Non, ce n'est pas l'effet du hasard qui sauva ma vie à Trachène, qui m'a délivré de la captivité et conduite dans cet asile au moment où je puis donner mes soins au bien-aimé de mon cœur, où j'apprends qu'il est chrétien. Un chrétien pourrait-il donner sa main et sa foi à Calpurnie? Lui, qui possède des principes si élevés sur le rapport des cœurs et des opinions, pourrait-il aimer et choisir pour sa compagne une personne qui penserait aussi différemment que lui sur l'article le plus important? Ah, Junia, quel avenir de félicité à enfermer dans cette question! Mais je dois retenir mon imagination et ne pas lui permettre de prendre de l'empire sur mon faible cœur et sur toute chose. Agathoclès ne doit pas savoir encore mon existence. Quels que soient ses sentiments pour moi et ses relations avec Calpurnie, une telle découverte, dans l'état de faiblesse où il est, pourrait mettre sa vie en danger. Je veux donc rester caché à ses yeux, mais j'espère que le temps et mes soins soutenus anéantiront chez moi jusqu'au plus léger doute, et que je pourrai lui laisser deviner peu à peu qui était celle qui veillait et pleurait à côté de lui. Ou, si ce nouvel espoir est aussi trompeur que celui qui s'évanouit à Saint-Iom, alors, Junia, recevras-tu ta pauvre Larissa, mille fois plus malheureuse encore? La cacheras-tu dans une solitude profonde où sa sombre tristesse ne sera adoucie que par ton amitié? Il ne me reste plus de doute et plus d'espérance. Insensé que je suis, comment ai-je pu m'y abandonner un seul moment? Quel pouvoir que celui de l'amour! Quelle doit être brûlante la passion qui peut entraîner une femme au-delà des bornes de la bienséance et de la retenue qui lui sont prescrites? Je ne puis le comprendre, mais je sens que celle qui aime à cet excès doit être bien persuadée qu'elle est aimée de même. Que reste-t-il donc alors à celle qui n'ose pas même se montrer, qui est oubliée, qui serait sans doute repoussée? Ah, Dieu, Dieu, Junia, combien je souffre! À quel supplice ai-je été réservé? Ce matin, après avoir goûté l'effet salutaire d'un sommeil tranquille et embelli par les images les plus douces et les plus trompeuses, j'ai entendu qu'Agathoclès appelait quelqu'un à voix basse. J'ai pris mon grand voile qui cache non seulement mon visage, mais toute ma figure, et je me suis approchée, toute tremblante, de sa couche. Il ouvrit à peine les yeux et demanda à boire. Je lui présentai une coupe. « Où suis-je ? » demanda-t-il quelques instants après. « Où m'a-t-on transporté ?» Je portai la main sur ma bouche en silence. Je ne me sentais pas en état de changer ma voix. J'ignore s'il me crut muette ou ne sachant pas sa langue, mais il ferma les yeux et retomba sur ses coussins. Héliodore ne tarda pas à venir panser ses blessures. Agathoclès répéta alors ses questions. Héliodore lui répondit. Il parut très satisfait d'être confié à nos soins, et avec un regard amical et un geste obligeant, il me remercia des attentions que j'avais pour lui. Ses blessures étaient en aussi bon état qu'elles pouvaient l'être. Le respectable médecin ne lui recommanda que de la tranquillité et des remèdes fortifiants. Je versai, sous mon voile, des larmes de joie, mais je craignais de rester trop longtemps auprès de lui, de peur de me trahir. La faiblesse que j'avais éprouvée la veille me servit de prétexte auprès de la supérieure pour m'excuser de ce que je chargeais Tabitha de rester toute la journée auprès du blessé pour le soigner. Ce sacrifice à la prudence me coûta beaucoup, mais je ne pus me refuser au moins le plaisir d'être dans la chambre contiguë d'où je pouvais entendre sa voix. Vers le soir, lorsque la nuit commençait à tomber, je crus pouvoir risquer de rentrer chez moi. Il me regarda avec attendrissement et me salua de la main. Je le remerciai de même, et par un signe de tête sans proférer une parole, et je m'assis auprès d'une table pour arranger des bandages. Dans ce moment entra une des servantes de la maison, qui dit à Agathoclès qu'un de ses esclaves demandait à lui parler. Il le fit entrer. Juste Dieu, qui était cet esclave prétendu? Celui de l'amour le plus passionné, un jeune homme d'une beauté frappante, en habit d'esclave, ses cheveux bruns et bouclés voltigeaient sur un front blanc comme la neige, et sur des joues de rose. Cette charmante figure s'approcha du lit, et bientôt je l'eus reconnu, c'était Calpurnie. Agathoclès paraissait lui-même très surpris de cette apparition. Il la reconnut aussi tout de suite, et il s'effraya visiblement. « Dieu, Cal... » prononça-t-il, mais avec une présence d'esprit étonnante, elle prit la parole et dit « Oui, Callias, tu ne te trompes pas, c'est ton fidèle Callias qui n'a pu ajouter foi au récit qu'on lui a fait de ton danger et qui vient lui-même s'assurer de ton état. Tu me parais, grâce au Dieu, moins abattu que je ne craignais de te trouver. » En effet, une légère teinte de rougeur animait dans ce moment les joues si pâles d'Agathoclès. En finissant, elle s'assit ou plutôt s'appuya sur le lit, son rôle d'esclave ne lui permettant pas de prendre une chaise à côté de lui. Elle s'empara de sa main. Je le vis alternativement rougir et pâlir. Je vis les regards ardents qu'elle jetait sur lui et l'enchantement avec lequel il la suivait des yeux en admirant ses formes charmantes, que cet habit serré faisait paraître avec avantage. J'entendis ensuite qu'il la remercie affectueusement de son tendre intérêt. Alors, l'étonnement qui m'avait tenu comme enchaîné à la même place se changea subitement dans un chagrin profond. Un suffoquement violent me saisit, et fut au point que cette heureuse personne se tourna de mon côté, vint à moi, et que je vis le moment où elle soulèverait mon voile pour me donner de l'air. Je me sauvai en toute hâte. Hélas, c'est ainsi que s'envolent toutes mes espérances. 2 heures plus tard. J'étais résolu de ne plus le revoir, de ne plus retourner dans sa chambre. J'aurais certainement persisté dans cette résolution, mais Tabitha étant occupée auprès d'un malade, je fus obligé d'aider Héliodore dans les soins qu'il rend au tribun. Avec crainte et répugnance, j'entrai dans la chambre de celui que je n'approchais jamais qu'avec ravissement. Hier encore, au milieu de ma douleur, le sentiment de la plus vive joie remplissait mon cœur. Pourquoi donc aujourd'hui suis-je dans une disposition si différente? Suis-je donc légère, inconstante? L'amant de Calpurnie n'est-il pas encore l'ami de mon enfance? C'est Agathoclès pour qui, dans tous les temps, j'aurais donné ma vie. Et à présent, lui refuserais-je des soins qui peuvent sauver la sienne? Éviterais-je sa présence quand la mienne lui peut être utile? Dans quelle contradiction se trouvent quelquefois nos sensations? Héliodore me dit qu'il était moins bien que le matin. Son pouls annonçait de la fièvre et de l'agitation. Ah, j'en savais bien la cause. Je tremblais de chagrin et de courroux en pensant à la démarche inconsidérée de cette légère Calpurnie qui pouvait coûter la vie à son ami. Nous n'avions pas encore fini le pansement, et mes craintes qu'un hasard, un mouvement, ne me fisse découvrir n'étaient pas encore passées lorsque le beau jeune homme de la veille, celui qui vint au premier moment, entra. Les yeux du malade brillèrent de joie. « Constantin ! » s'écria-t-il, et le jeune homme tomba dans ses bras. C'était donc Constantin, le fils du César d'Occident, à qui Agathoclès devait la vie. L'intérêt qu'il avait témoigné la veille me fut expliqué. Que ses sentiments me le rendaient cher. Avec quel plaisir je serais tombé à ses genoux pour le remercier de la vie de son ami. Voilà, Junia, comme j'aime encore celui qui n'aime plus que la belle Calpurnie. Cette flamme ne s'éteindra donc jamais, rien ne peut me guérir. Oh, je suis faible jusqu'à me mépriser moi-même. Je me blâme plus que tu ne pourrais le faire, mais je ne puis être autrement. Cet amour est tellement associé à mon être qu'il ne finira qu'avec lui. Ne me gronde pas, ma Junia, laisse-moi le soin. Bientôt je volerai vers toi, bientôt j'espère. Adieu.